trop menti, flic, tu connais les dictons. Opération crime, planque en attente du fourgon. Flagrant délice en mode opération prison. Opération évasion, commando explosion. Scénario signé Bandera sous Ferrara Antonio. Dans le tchon, mets le plomb, on joue pas avec le pognon. Dans notre enveloppe de suite, y'a très peu d'humour cogno. Cassotion en sous-sol, dans l'équipe y'a pas de top. Opère secrète, touche du bois si tu te rappliques dans le hall. Banlieusard, rubrique, coup de briquet, bordélique. Académie du crime, y'a pas de place pour la cogite. Opération combat libre, corps à corps sans calibre. Maîtrise un homme d'une clé de bras, il soumet facile. Au casse-pipe, les sales flics, joue au chat la souris. Mais revetons, reste postiche, c'est opération tire-lire. Le 2S, PES, opération, là pour représenter tous les gars de la fédération. Qui dans les halls se retrouvent à faire des opérations. Puis grave la weed, niquer les keufs et leurs opérations. Le 2S, PES, opération, là pour représenter tous les gars de la fédération. Qui dans les halls se retrouvent à faire des opérations. Puis grave la weed, niquer les keufs et leurs opérations. Tout ce qu'on fait pour l'argent paraît plus facile. Le gagne-pain de ma banlieue, c'est l'argent facile. Pour financer mon train de vie, opération bif facile. Opération je cours vite, derrière y'a ce poulet qui m'en veut. Opération règlement de compte à ce qui paraît, tu m'en veux. Opération se démerder quand on se retrouve au placard ou que les plans se terminent. Opération plan traquenard, on aimerait tous être postichés comme le gang de postiches devant des coffres forts. Conduire en série S et ressentir son putain de confort. Opération, y'a trop d'oreilles gros, faut agir en sous-marin. PES, E2S, opération. Niquer les potes, dis les salopes, poto y'en a bien trop. Opération se mettre bien, les mecs en chien sont trop nombreux. PES du cartel, les jaloux sont nombreux. 9420H, un poteau que des gars dans le jeu. 2S, PES, opération, là pour représenter tous les gars de la fédération. Qui dans les halls se retrouvent à faire des opérations. Puis grave la weed, niquer les keufs et leurs opérations. 2S, PES, opération, là pour représenter tous les gars de la fédération. Qui dans les halls se retrouvent à faire des opérations. Puis grave la weed, niquer les keufs et leurs opérations. Opération bifton, all one mixtape. Si, si. PES, E2S, AN 9-4 2009 120 AI H1 Terrasse Si, si. RBS All E2S. 1 Ok, tu connais l'équipe de vrai sur qui tu peux compter, frère. AI